Sire Chimène vient vous demander justice. La fâcheuse nouvelle est importante de voir. Va, je ne la veux pas obliger à te voir. Pour te remerciement, il faut que je te chasse. Mais avant que partir, viens. Que ton roi t'embrasse. Chimène le poursuit et voudrait le sauver. On m'a dit qu'elle l'aime et je vais l'éprouver. Montrez un œil plus triste.